إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد لقد أنعم الله تبارك وتعالى على عباده نعما عظيمة ومن أعظم هذه النعم نعمة الولد الصالح فهو عمل صالح لوالده في حياتهما وبعد مماتهما كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو عمل ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الرجل لا ترفع درجاته في الجنة فيقول أنا هذا فيقال باستغفار ولدك لك رواه أحمد وابن ماجة وهو في السلسلة الصحيحة للشيخ ناصر رحمه الله وقد أهمل هذا الأمر كثير من الناس وخاصة في هذا الزمان مع كثرة الشواغل والفتن وجهل الكثير منهم الهدي النبوي المعين في تربية الأولاد وهو من أهم الأمور التي يجب على المسلم العناية بها واتباعها لما فيها من فعل الأسباب التي يرشد إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تربية الأولاد فما هي الخطوات العملية لتربية الأبناء؟ نبدأ أولا بإصلاح النفس قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا فصلاح الأب والأم من أبرز الأسباب المعينة على تربية الأبناء لأنهم هم القدوة والأولاد يقلدون آباءهم وأمهاتهم الولد يقلد أباه والبنت تقلد أمها قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء وكثير من الناس لا يفعل الأسباب التي تعينه على تربية أبنائه ولا يبذل الأسباب التي ينشأ الابن بسببها على التقوى وحب الخير فيقع ابنه في المعصية بسبب إيذاء الناس والهداية نوعان هداية الدلالة وإرشاد وبيان وهذه مطالب بها الجميع وهي دلالة الناس إلى الخير وحثهم على فعل الخيرات وترك المنكرات وهي المذكورة في قوله تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم وهداية التوفيق والإلهام والقبول وهذه لا يملكها إلا الله فإنه سبحانه يهدي من يشاء برحمته قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقال تعالى إن عليك إلا البلاغ وقال سبحانه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وعلى ذلك يجب على الأباء والأمهات العناية بتربية أبنائهم على الصلاح لكي بيكونوا عملا صالحا في حياتهم وبعد موتهم. ومن الأمور المهمة والمعينة على تربية الأبناء تطهير البيت من الآلات اللهو والطرب والوسائل التي تعرض الفسق والفجور والكذب، فيخشى من تنزيل الشياطين على هذه البيوت. وفي الحديث عن سالم عن أبيه قال: وعد جبريل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فراث عليه، أي تأخر، فاشتد ذلك على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه جبريل فشكى إليه ما وجده، فقال جبريل: إنا لا ندخل بيتا فيه سورة ولا كلب. رواه البخاري. فكيف ببيوت كثير من المسلمين وما فيها من الصور والوسائل التي تنقل الصور الفاتنة للرجل وللنساء واللهو والطرب؟ أليس هذا مؤذن بتنزيل الشياطين وإبعاد الملائكة؟ فهذا بيت النبوة لم يدخله جبريل لوجود السورة والكلب، حتى أمر صلى الله عليه وسلم بالكلب فأخرجه والسورة فقطعت وسائل. والملائكة تدخل معهم البركة والسكينة والطمأنينة، والشياطين يدخل معهم القلق والاضطراب والأمراض النفسية. فلا عجب أن نرى أصحاب هذه البيوت يشكون من هذه الأمراض. فالبداية كانت في تعليم الإيمان عن جندب قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن فتيان حزاورة، يعني الغلام إذا قرب البلوغ، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. فما هي أبواب الإيمان التي كانوا يعلمونها أبناءهم قبل القرآن؟ فعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان 70 بابا، أدناها إماطة الإذاء عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري. وقد حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على تعليم صغار الصحابة وهم في هذه المرحلة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضرك بشيء فلم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث العظيم الذي يقول عنه ابن رجب رحمه الله، هذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين، علمه ابن عباس رضي الله عنهما وهو غلام لم يبلغ الحلم، حيث إنه ولد قبل الهجرة 3 سنين. ومن الخطوات العملية التي يعتني بها في هذه المرحلة ما حث عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأمر بالصلاة، حيث قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. فالواجب على المربي أن يأمر في هذه السن ابنه بالصلاة ويرغبه فيها ويبين فضائلها وفوائدها وعقوبة تاركها. فإذا تربى على حب الصلاة ومراقبة الله نشأ طاهرا تقيا صالحا بإذن الله، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإلهامها والتساهل فيها ضياع، أيما ضياع، ولا تربية ولا صلاح بعد إضاعة الصلاة. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في بيان أهمية تعليم اللغة العربية من تفسير القرآن الكريم قال: ومن فوائدها حكمة الله تبارك وتعالى في إنزال القرآن باللغة التي يفهمها من أنزل إليه، وهذا كقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ومن فوائد الآية الكريمة التأكيد على معرفة اللغة العربية، وجه ذلك أنه إذا كان القرآن عربيا وكنا مخاطبين به وملزمين بالعمل به، فإنه لا يمكن الوصول إلى ذلك إلا بالتعليم اللغة العربية. ومن الأمور المهمة والمعينة في تربية الأبناء تعليمهم القرآن الكريم، فإذا أردنا الخيرية والرفعة لأبنائنا في الدنيا والآخرة فلنحرص على تعليمهم كتاب الله تلاوة وحفظا وتدبرا وعملا، وبخاصة في هذه المرحلة مرحلة الحفظ. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أخرجه مسلم. من أوجب الواجبات على الوالدين تربية الأبناء على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتعظيم أمر الله وأمر رسوله. بارك الله فيكم، تقربوا يا إخوان، بارك الله فيكم، تقربوا avancez pour laisser de la place inchallah. من أوجب الواجبات على الوالدين تربية الأبناء على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمر الله وأمر رسوله، ويذكر الآيات ويذكر بالآيات والأحاديث الدالة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وطاعة الله تقتضي إفراده بالعبادة وعدم الاشتراك به والكفر بما يعبد من دون الله، وتقتضي محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، ويحذر من المعصية لله وللرسول وأنها سبب لدخول النار. قال تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقول يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وليكون الوالدان قدوة صالحة للابن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخيرا، مما لا شك فيه أن للصديق أثرا بالغا في صديقه سلبا وإيجابا، فيكفينا في بيان ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل، الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، رواه أبو داود وهو في سلسلة الصحيحة للشيخ ناصر. فعليك أيها الأب بالبحث عن صديق صالح وجليس ناصح لابنك قبل أن يختاره هو، وقد يسيء الاختيار فيتعلق بهم ويصعب بعد ذلك عليك فصاله عنهم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم في القرآن العظيم، استغفروه إنه سميع عليم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد. Parmi les grands bienfaits d'Allah le Très-Haut, c'est le fait d'avoir un enfant pieux. Cet enfant pieux est une bonne œuvre pour les parents durant leur vie et après leur mort, tel que l'a informé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Abi Huraira radiallahu anhu. Lorsque le fils d'Adam meurt, toutes ses œuvres s'arrêtent, hormis trois. Une aumône courante, un savoir utile et un enfant pieux qui invoque Allah en sa faveur. Et dans le hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed ibn Majah, selon Abi Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah élèvera le degré de l'homme au paradis. Il dira alors « D'où me vient cela ?» Alors il lui sera dit « Par le fait que ton enfant ait demandé pardon en ta faveur. » De nos jours, beaucoup de personnes ont négligé l'éducation des enfants, dû notamment aux différentes occupations, aux troubles, à l'ignorance de la voie prophétique selon laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a montré afin d'éduquer les enfants sur la droiture. Quels sont donc les points essentiels dans la démarche à suivre concernant l'éducation des enfants? Nous commençons tout d'abord par corriger notre propre personne, nous, en tant que parents, et ceci avant toute chose. Allah le Très-Haut dit, dans la traduction du sens du verset, « Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. » La droiture du père et de la mère est une cause importante dans l'éducation des enfants, car il représente un exemple pour l'enfant. En effet, le garçon imite le père et la fille imite la mère. Allah le Très-Haut dit, dans la traduction du sens du verset, « Ceux qui auront cru et que leurs descendants auront suivi dans la foi, nous ferons que leurs descendants les rejoignent, et nous ne diminuerons en rien le mérité de leurs œuvres, chacun étant tenu responsable de ce qu'il a acquis. » Cependant, beaucoup de personnes ne prêtent pas attention à cela et ne font même pas les causes en montrant la voie claire et droite aux enfants afin qu'ils grandissent dans la piété et la crainte pieuse et dans l'amour à vouloir faire le bien, si bien que l'enfant tombe dans la désobéissance et dans la nuisance des autres. Ils se refusent donc d'éduquer leurs enfants sur le droit chemin, ne prenant pas les causes de la guider et se disant que c'est l'enfant qui choisira une fois grand. Walayyadu billah. Craignez donc Allah comme il se doit et sachez que la guidée est de deux types. Une guidée par le fait de lui montrer la voie droite et le bien. Et ceci est demandé à tous dans le sens où cette guidée consiste à montrer aux gens la voie du bien et les encourager à faire de bonnes œuvres et à délaisser ce qui est détestable. Et ce type de guidée est mentionné dans la parole d'Allah le Très-Haut, dans la traduction du sens du verset, et en vérité, tu guides vers un droit chemin, vers un chemin droit. Et le deuxième type de guidée qui consiste au fait que la personne accepte l'invitation à la droiture et se met à suivre le droit chemin, ce type de guidée, seul Allah la possède, car Allah le Très-Haut guide qui il veut de par sa miséricorde. Allah le Très-Haut dit dans la traduction du sens du verset « Tu ne guides pas qui tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Il connaît mieux cependant les bien guidés. » Et Allah le Très-Haut dit dans la traduction du sens du verset « Tu n'es chargé que de transmettre. » Et Allah dit dans la traduction du sens du verset « Ce n'est pas à toi de les guider vers la bonne voie, mais c'est Allah qui guide qui il veut. » C'est pour cela que les parents se doivent de montrer la voie droite à suivre aux enfants tout en invoquant Allah de les guider. Donc on montre la voie, on montre où est le bien, on montre ce qu'Allah aime, l'obéissance à Allah et l'obéissance au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et on invoque Allah de les guider et de les maintenir sur le droit chemin, car sallallahu guide, mais à nous de leur montrer la voie. Parmi les choses importantes dans l'éducation des enfants, il s'agit de purifier la maison, de la musique, des chiens, ainsi que des photos sur les murs, et de tout ce qui est propice à faire rentrer les diables dans les demeures. Dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari dans son sahih, l'ange Jibril alayhi salam avait donné rendez-vous au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne voyant pas Jibril arriver, il décida de sortir de chez lui et trouvera Jibril alayhi salam dehors. Et Jibril dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous n'entrons pas dans les maisons dans lesquelles se trouvent des chiens ou des photos. L'ange Jibril a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous n'entrons pas dans les maisons dans lesquelles se trouvent des chiens ou des photos. Qu'en est-il donc des maisons de beaucoup de musulmans dans lesquelles se trouvent des photos sur les murs? Certaines sectes égarées osent mettre leurs photos de leur chair sur les murs. Vous ne faites entrer que les diables dans vos demeures. Les anges n'entrent pas dans les maisons où il y a des photos sur les murs, où il y a des chiens dans la maison, comme beaucoup essaient d'imiter certains mécréants en adoptant un chien et en le laissant dans la maison. Les anges n'entrent pas. Et si les anges n'entrent pas dans ces demeures, sachez que ce sont les diables qui entrent dans ces demeures. Donc comment voulez-vous éduquer vos enfants sur la droiture si nous-mêmes, nous ne faisons pas les causes afin de purifier notre maison et de faire en sorte que les anges puissent arriver dans nos demeures afin que l'on trouve la paisibilité, la tranquillité et la sérénité. Tandis que les diables n'apportent que les maladies du cœur. Les diables n'apportent que l'angoisse, que les troubles, que les problèmes dans les demeures. Donc ne soyez pas étonnés que les musulmans qui osent faire pénétrer dans leur demeure la musique, qui est un appel au diable, puisque Abdallah ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit « La musique, la chanson plante l'hypocrisie dans le cœur. » Donc si vous faites fuir les diables de vos demeures, les anges de vos demeures, ce sont les diables qui vont y habiter. Mais si vous faites en sorte de purifier votre demeure, ce sont les anges qui seront présents et cela fera fuir les diables. Donc pour commencer l'éducation, après la purification de nos âmes et de nos demeures, nous enseignons aux enfants la foi. Tel que cela fut rapporté par Jundub radiallahu anhu qui a dit, nous étions avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et nous étions des enfants proches de la puberté. Nous apprîmes la foi avant d'apprendre le Coran. Puis nous apprîmes le Coran, ce qui augmenta notre foi. Et les branches de la foi, les niveaux de la foi, sont celles indiquées dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, dans son sahih, dans lequel le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, la foi a une soixantaine ou soixante-dizaine de niveaux. Le plus bas niveau étant de retirer ce qui gêne sur le chemin. Et le plus haut niveau est la parole « La ilaha illallah » qui signifie « Nulle divinité digne d'adoration en toute vérité, excepté Allah ». Donc ce n'est pas en répétant 200 fois ou 10 000 fois ou 1 million de fois « La ilaha illallah » sans en comprendre le sens, sans en comprendre les conditions de foi. Mais il faut bien comprendre les deux attestations de foi et agir dessus. Il est important d'éduquer les enfants sur le fait d'avoir en tête qu'Allah nous observe constamment et de ne s'en remettre qu'à Allah seul, car seul Allah contrôle toute chose. Ce qui fut le cas du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui enseignait cela à Ibn Abbas, radiallahu anhuma, alors qu'il n'avait pas, Ibn Abbas, n'avait pas encore atteint la puberté, qui dit, un jour, alors que je me trouvais derrière le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il me dit, mon garçon, je vais t'apprendre ces paroles. Sois scrupuleux à l'égard d'Allah, il te préservera. Sois scrupuleux à l'égard d'Allah, tu le trouveras auprès de toi. Si tu demandes quelque chose, demande à Allah. Si tu cherches une aide, demande assistance auprès d'Allah. Sache que si tous les gens se réunissaient pour t'être utiles en quelque chose, ils ne te seraient utiles que pour une chose qu'Allah a déjà inscrite à ton profil. Et sache que s'ils se réunissaient pour te nuire en quelque chose, ils ne te nuiraient que pour une chose qu'Allah a déjà inscrite contre toi. Les plumes ont été levées et l'encre sur les feuilles a séché. Dans ce hadith important, Ibn Rajab, rahimahullah, a dit, ce hadith englobe des conseils très importants et des règles faisant partie des choses les plus importantes dans la religion. Parmi les étapes dans l'éducation des enfants, il y a ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ordonnez à vos enfants la salate, la prière, dès l'âge de 7 ans, et frappez-les pour la salate dès l'âge de 10 ans, et séparez-les dans les lits. Il est donc de la responsabilité des parents d'encourager leurs enfants à la prière et de leur montrer le bien dans cela et ses bienfaits, tout en leur expliquant le châtiment de celui qui la délaisse. Car si l'enfant grandit dans l'amour pour la salate, dans l'amour pour la prière, et garde en conscience qu'Allah nous observe constamment, cet enfant grandira pieux et pur, incha'Allah, car la salate, la prière, mène l'individu à s'écarter des choses mauvaises et détestables, alors que son délaissement est une perte, et il n'y a pas d'éducation, ni de bien après le délaissement de la prière, car ceci est de la mécréance, et il n'y a aucun bien dans la mécréance. Allah le Très-Haut dit, dans la traduction du sens du verset, « Et commande à ta famille la salat, la prière, et fais-la avec persévérance. » Le savant, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, rahimahullah, a dit, concernant l'explication du Coran, de Surat Ash-Shura notamment, en mentionnant le verset de Surat Ibrahim, concernant l'importance de l'apprentissage de la langue du Coran. Et parmi ses bienfaits, il y a la sagesse d'Allah, le Très-Haut, qui a fait descendre le Coran avec la langue de par laquelle la comprennent ceux pour qui le Coran fut descendu, tel que la parole d'Allah, le Très-Haut, dans la traduction du sens du verset, « Et nous n'avons pas envoyé de messager qu'avec la langue de son peuple afin de les éclairer. » Et parmi les bénéfices de ce noble verset est l'insistance sur la connaissance de la langue arabe. Car si le Coran est arabe et que nous parlions avec le Coran et que nous sommes obligés d'œuvrer sur le Coran, il n'est donc pas possible d'atteindre cela seulement par l'apprentissage de l'arabe. Fin de citation du cheikh. Il est aussi indispensable, durant l'éducation des enfants, de leur enseigner le Coran. Car si nous leur voulons le bien, l'honneur dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, à nous donc de faire en sorte qu'ils lisent le Coran, le mémorisent, méditent dessus et l'appliquent. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleurs d'entre vous sont ceux qui apprennent le Coran et l'enseignent. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah élève de par ce livre des peuples et rabaisse de par ce livre d'autres peuples. Parmi les obligations dans l'éducation des enfants, les éduquer à obéir à Allah et obéir à son messager sallallahu alayhi wa sallam, et faire en sorte qu'il donne de l'importance aux ordres d'Allah et aux ordres de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en lui rappelant les versets et les hadiths prouvant cela. Allah le Très-Haut dit, dans la traduction du sens du verset, « Quiconque obéit à Allah et au messager, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits parmi les prophètes, les véridiques et les vertueux, et quels compagnons que ceux-là. » Et l'obéissance à Allah implique que toute forme d'adoration ne soit vouée qu'à Allah seul et l'interdiction de lui associer quoi que ce soit, tout en mécroyant tout ce qui est adoré en dehors d'Allah le Très-Haut. Et ceci implique l'amour pour le messager, sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, son obéissance dans tout ce qu'il a ordonné, croire en tout ce qu'il a informé, s'écarter de tout ce qu'il a interdit ou mise en garde contre, et de n'adorer qu'Allah, et de n'adorer Allah qu'avec la législation avec laquelle est venu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les parents se doivent de mettre en garde contre la désobéissance à Allah, et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, en montrant que cela est une cause d'entrée en enfer, tel qu'Allah le Très-Haut dit dans la traduction du sens du verset, « Le jour où leurs visages seront tournés dans le feu, ils diront, « Hélas pour nous, si seulement nous avions obéi à Allah et aux messagers. » Aux parents donc d'être des exemples pour leurs enfants, dans l'application de la sunna et l'obéissance à Allah et à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, il n'y a pas de doute concernant l'influence que peuvent avoir les amis sur les enfants, tel que cela fut décrit par l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith où il décrivait qu'il comparait la bonne compagnie aux vendeurs de parfums, comme si celui qui avait une boutique de parfums, si on rentre dans cette boutique, ça ne peut être que bénéfique. Soit nous sentons l'odeur du parfum, soit il va nous mettre du parfum, ou soit on en achète. Et la mauvaise compagnie, tel le forgeron, que si tu vas chez lui, il va te salir, il ne te rapportera que de la saleté, que des problèmes. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme dans le hadith, qui a été authentifié par Cheikh Nasr, rahimahullah, l'homme est sur la religion de son compagnon, que chacun d'entre vous voit qui il prend pour compagnon. Donc aux parents donc de choisir la bonne compagnie pour leurs enfants, afin qu'ils ne choisissent pas la mauvaise et qu'il devient de par la suite difficile de l'en séparer. Enfin, Inch'Allah, pour l'occasion de Eid al-Adha, il faut penser aux musulmans dans le monde. Et il y a une affiche à la sortie de la mosquée qui permet de contacter donc l'association qui permet de donner de l'argent aux familles syriennes pour l'occasion du Eid al-Adha. De plus, dimanche dernier, une mosquée a été incendiée dans le département du 32 du Gers. C'était la seule mosquée de la région. Et donc, les dirigeants de cette association demandent des dons. Donc, voyez avec le frère Hamid, Inch'Allah, pour cela, afin qu'ils puissent reconstruire leur mosquée incendiée. Barakallahu fikm. Et rappelez-vous, Inch'Allah, que les dirigeants de cette mosquée, qu'Allah les préserve, ont mis en place des cours d'arabe et l'enseignement du Coran. Les inscriptions sont jusqu'à fin septembre. Jazakumullah khairan. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافينا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت تبارك ربنا وتعاليت اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله